À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, l'Association d'amitié Inde-Corée de toute l'Inde a publié une déclaration appelant tous les peuples du monde à s'opposer aux États-Unis et à leurs suivistes qui s'attachent aux démagogies contre la République populaire démocratique de Corée.